je suis lourd. Dans tes bras qui me serrent, je me presse, j'essore, et du silence sort une vague espérance. C'est le mieux.